Tu le quittes chez nous quand vient le printemps. Je prendrai une bière en attendant. Les autres, j'écoute sur mon stéréo pour changer mal de place un air des hélicos. J'imagine chez nous l'été, ce qui quand il fait beau. Le bruit des vagues, le soleil, puis le salin, tout le monde est là, une petite bière à la main. Je regarde au loin, on écoute dans la musique à jeun. Sur le quai de chez nous, quand vient le printemps, y a ben du monde qui passe leur temps. On sème l'espoir aux quatre vents. Je prendrai une bière en attendant. Rencontre des chums, ça fait longtemps que j'avais pas vu. Quoi de neuf, mon pote de quai, c'était devenu. On se donne la main, puis on va rattraper le temps perdu. Les femmes sont belles, hein, la bière est bonne. Partez, va commencer, puis il manque plus personne. On tape du quai en écoutant la musique qui résonne. Sur le quai chez nous, quand vient le printemps, y a ben du monde qui pense leur temps. On sème l'espoir aux quatre vents. J'prendrai une bière. Coucher de soleil sur la baie. On va sortir les guitares, mon bimbo champi. On va se mettre à jouer. Le bruit des vagues, la lune, puis la salève. M'en va dormir là-dessus en rêvant à demain. M'en va remplir mon champ, j'en viens chez nous. Puis ôtez-vous du chemin. Sur le quai chez nous, quand vient le printemps, y a ben du monde qui passe leur temps. On sème l'espoir aux quatre vents. J'prendrai une bière en attendant. Sur le quai de chez nous, l'été d'avant, y'en moins pis elle, pis un peu de temps. On sème l'espoir qu'on a en dame. J'prendrai une bière en attendant.